Chérie, j'ai rétréci les gosses. Top Gun, il était une fois la vie. Cette semaine, on a maté l'aventure intérieure et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à l'aventure intérieure de Joe Dante. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Barbara, bonsoir Barbara. Bonsoir. Et enfin Mickaël. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, on parle de l'aventure intérieure réalisée par Joe Dante en 1987 de 120 minutes avec Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan et Kevin McCarthy. Et pour ceux qui ne se souviennent pas et qui parlent très bien américain, ça ressemblait à ça. Test pilot Tuck Pendleton wants to make history. Supermarket clerk Jack Putter needs a vacation. Sir, I'm sorry, I'm late. That's not good. You know it's coupon day. Lieutenant Pendleton is about to be miniaturized, placed into this needle, and then injected into this rabbit. Rock and roll. But something went wrong, and Tuck's about to get a new destination. Inside Jack Putter. On a l'impression qu'on va mettre un dessin animé. Un Tex Avery, oui. Alors, franchement, c'était vraiment extrêmement rafraîchissant. Je le fais bien. Je le referai si vous êtes sage à mon avis. C'est vraiment, vraiment rafraîchissant de voir une comédie aussi drôle et fantastique que celle-ci. C'était de la merde, mais alors hallucinant. Il va y avoir des balles à mon avis. Putain, qu'est-ce que c'est pourri, quoi. Je l'ai regardé en entier, deux heures. Non, 1h45, hein, je sais pas ce que vous avez vu. 120 minutes, 2 heures. 95, un jeu de DVD. Excusez-moi, en plus, celui-là... T'as eu la chance de voir 95, c'est 1h35, hein. C'est pas 1h45, 95 minutes. 1h35, pardon. Non, c'est plus long. Non, c'est 2 heures. C'est vraiment la chance. C'est 1h50. Ouais. Bah, écoutez, on n'a pas vu la même version. Bah, c'est sans doute pour ça que t'as aimé. Moi, j'ai peut-être vu les l'heure et demie de trop. Mais t'as vu hein, le moment où il tue tout le monde. le film, c'est fini. Franchement, je te jure, j'étais sans émotion. Je me suis levé, j'ai fait... C'était vraiment pourri ce que je viens de voir. Le rôle de Greg. Hein. C'était nul. Mais alors, c'était rigolo, ouais. C'était pas méchant. Moi, plus que ce soit méchant. Qu'on se le dise tout de suite, moi j'aime beaucoup ce film. D'accord. Voilà. Nickel. Allez, première vanne de Julie. Et, le tweet de Julie, toujours la déconne. On sait jamais sur quel pied danser. Sacré tour. C'est jamais, c'est du larron du cochon. Moi j'ai un avis aussi. Alors. Mais en fait, moi je respecte énormément Joe Dante parce que c'est un des rares réalisateurs à faire un bon film de loup-garou, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Il a surtout fait Gremlins, qui est genre un des meilleurs films. Mais il a surtout fait Hurlement, qui est très bon film. Ouais, il a surtout fait les Gremlins. Oui, il a surtout fait les... Hurlement. Ceci dit, ce film m'a quand même globalement plutôt... T'as parlé des Gremlins, ce qu'il a fait, non? Moi, ce que je préfère, c'est Hurlement. Vas-y, continue. Bip, bip. Et ce film m'a plutôt déçu, à part une scène qui m'a vraiment fait mourir de rire. On en reparlera, c'est le... La scène du hyper salon, j'ai beaucoup ri, mais sinon, je me suis globalement ennuyé. Qu'est-ce que j'ai ri, moi aussi, c'est du souvenir de rigolade. Barbara, avec toi, tu m'avais dit que t'avais aimé. Greg, j'ai dit que c'était pas un moment si désagréable. Je t'ai mis sur papier, je t'ai mis dans la team Julie, mais je peux encore te déplacer. J'assumerai ma team toute seule. J'ai pas compris, quoi. C'était long, c'était chiant. Au début, je comprenais pas, tu vois, ils expliquent pas trop, tu sais, quand ils miniaturisent, pourquoi ils miniaturisent et tout. On comprend que dalle au début, tu vois. On comprend que c'est la course à la miniaturisation, que tous les pays du monde veulent miniaturiser. Je comprends pas pourquoi un mini chip en plastique rouge peut être super powerful, quoi, tu vois. Ça n'a aucun sens. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils utilisent la machine de TimeCop, en fait, pour se rétrécir. Non, mais limite, ouais, j'y ai pensé un moment, quoi. Quelqu'un raconte l'histoire, s'il vous plaît. C'est très important. Pas Greg. Allez, là, exceptionnellement, pour avoir peut-être un résumé en duo. Vivo Pelé. Faites-les en chanson. Non, bah c'est simple, hein, c'est. Ouais. Alors, c'est jamais simple avec toi. C'est l'histoire d'un caissier dans un supermarché. Ouais. Et il a besoin, enfin, il est très fatigué, il est surmené. Il va toujours voir son médecin, donc il lui prescrit des vacances. Il prescrit des vacances. Enfin, il est hypochondriaque. Il est complètement hypochondriaque. On met le compte à rebours à deux minutes. Hein. Après, on coupe. Alors, mais tu commences pas dans le bon sens, Michael. Mais c'est si, pas par lui écoute, qu'il faut commencer. Mais non, mais je suis d'accord. Mais il est quand même allergique à la laque pour cheveux, ce qui lui donne des nausées, donc il a besoin de vacances. Bon, c'est facile à comprendre. Et du coup, il y a une expérience scientifique qui consiste à miniaturiser. Miniaturiser. Alors là, c'est un décompte, en fait. Ce qui. Est-ce que je peux faire ça? Qui doit miniaturiser un aviateur. Attends, tu vas la faire dans l'autre sens. Un aviateur. On a l'impression que le mec, il est dans un coucou, un truc rouge de la Seconde Guerre. Mais non, mais c'est. Il l'envoie dans le corps du caissier. Bah non, mais attends, Barbara l'aider. Barbara à la rescousse. Alors là, je pense que ça va être efficace. Non, en fait, laisse Barbara te finir parce que c'est en duo. Bah alors, il faut quand même que je vous dise que j'ai toujours pas capté comment s'appelait le héros. Tuck. Tuck, ouais, comme les gâteaux apéritifs. Comme le frère. frère Tuck. Donc alors du coup, c'est frère Tuck, c'est un peu le Tom Cruise de 1987. Et c'est un peu le rebelle. En fait, attends, Tom Cruise, c'est Tom Cruise de 1987 aussi. Mais non, mais le Tom Cruise est Top Gun. Tom Cruise est atemporel, il s'est arrêté en 87. Continuez, pour l'instant, c'est très clair. En gros, c'est des scientifiques qui font une expérience pour envoyer un mec miniaturisé dans un lapin. Alors, il est dans un lapin. C'est vrai, c'est ça, non? Ils doivent le mettre dans un lapin, bien sûr. Voilà. Et en fait, il y a des méchants qui arrivent. Pourquoi et au final, ils se retrouvent dans le cul d'un bisu. Et voilà. Et ça va changer sa vie, il faut le dire, parce que du coup, il va annuler ses vacances. Bah ouais, ben. Est-ce que je le refais en 30 secondes? Moi, j'ai envie de faire un jeu concours où si les gens qui ont compris, ils nous écrivent. Et le mec qui est le plus proche de l'histoire originale, franchement, il gagne un lot, quoi. Entre toi qui a commencé par le caissier. Non, mais Barbara, Barbara qui était vraiment focalisée sur Top Gun. On voit vos affinités, hein. T'étais content, il y avait des avions quand même. Non, voilà, on va faire juste bah un. Bah oui, j'ai cru, hein. Bah oui. Vraiment un mini résumé méga speed de Julie, 20 secondes. Donc, en gros, Dennis Quaid, personnage principal, Tuck, aviateur qui se fait rejeter par ses collègues, etc. Et qui décide de participer à cette expérience spéciale scientifique et qui se fait miniaturiser, soi-disant, pour être injecté dans un lapin pour faire cette expérience scientifique. Les méchants, effectivement, arrivent. Le médecin s'échappe avec la seringue et en s'échappant la plante dans les fesses de Martin Short qui est caissier effectivement et qui se retrouve avec Dennis Quaid dans le corps donc dans son corps à lui. Et voilà, rapidement, en résumé c'est chiant quoi. Très rapidement, il va se connecter comme ça il va pouvoir voir ce que l'autre voit, ils peuvent se parler et il va y avoir deux personnalités dans un même corps. Ah, excuse-moi Julie, j'ai rien compris à ton résumé. Ah si, c'est bien, c'est ça mais bon Et en gros, Dennis Quaid, il faut dire, Tuck est amoureux de Meg Ryan, il faut le dire au début. Meg Ryan, la sœur du soldat, d'ailleurs. Oh. Si j'avais su que je t'aurais fait sortir un rire comme ça, je l'aurais pas fait. Ça pour la prochaine fois. Alors, le film commence sur une fête Top Gun. Puisque c'est un ancien pilote, on sent chevronné, détesté de toute son école, puisque plus fort que tout le monde, il a le syndrome de Top Gun. Ça et super alcoolique surtout. Et alors, il est en gros appoil, on est dans une comédie, mais vous allez voir qu'il y a quelques détails qui font que ce n'est pas vraiment une comédie pour enfants, puisqu'il commence le film en étant turbo débranlé, mais alors, ouais. Vraiment ouais. Turbranlé, tu veux dire. Ah ouais, il est turbranlé, il s'effondre sur le gâteau, il insulte tout le monde. Bah, surtout, ça me rappelle quelques personnes autour de ça. Bah, surtout, il a fait ce qu'on a tous fait quand on a un coup dans le nez, c'est-à-dire pisser dans les cuisines d'un restaurant. Ça, c'est clair, ça, c'est mon petit vice. Je peux pas m'en empêcher. Un resto, ça, c'est ma spéciale. Hein. Moi, au bout de deux verres de rouge, je vais pisser dans la cuisine. Quoi. Là donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette scène? Moi, je pense que sur la première heure, moi j'ai rien à dire. Bah alors moi, sur cette première scène, je me suis dit merde et tout, j'ai encore devoir faire des recherches sur les avions. Du coup, t'as cherché un peu sur le pod? Non, pas du tout. Ah. Alors, Alors, moi, je peux vous dire une anecdote sur le pod. C'est que le bruit, quand le pod tourne au moment de son rétrécissement, c'est le même bruit que le diable de Tasmanie dans les Looney Tunes. Il a été repris par Joe Dante, qui est un gros fan des Looney Tunes. Ah bah voilà. Alors, et ça peut même se deviner dans le film qu'il est fan des Looney Tunes, puisqu'il y a le truc du visage qui est très drôle. Je vais revenir dessus. De Roger Rabbit. Alors, ensuite, on va sur le visu, donc le caissier dans la vie. Pas mal ça, tu pourrais la faire. Je me réimitais. Et alors l'autre bisu, il est chez son médecin. Donc là, on se rend compte que c'est un caissier hypochondriaque totalement tordu. Allergique à la laque, je préfère comme la précise nickel. T'as vu, Lucas, il raconte tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est ça. Il raconte son cauchemar. Non, oui, parce qu'en fait, oui, mais c'est parce que vos résumés consistent en racontant la première scène. Donc, il raconte son cauchemar à son médecin et tout ça. Là, dès le début, c'est du fou rire à gogo, puisqu'il va tomber de sa chaise. Alors là... Là, mais je te jure, j'étais devant ma télé, j'étais tout seul chez moi et j'ai même fait un fou rire, j'ai fait tellement ça m'a énervé la manière dont il tombe de ton tabouret comme un débile. Il sort d'où cet acteur d'ailleurs, c'est qui ce man? Martin Short. Ouais. Bah, c'est un acteur cool, je l'aime bien. Il a joué dans quoi? Il a joué dans L'Aventure Intérieure. Mais il est malade, non, ce man, non? Moi, il est canadien. C'est ah, pardon. Il joue dans Ciné Magique à Disneyland. Moi, je le trouve trop cool. Il joue dans Ciné Magique à Disneyland. Ouais. Il a fait une grosse carrière. Donc, ouais, il est joué avec Julie Delpy. Hein. Oui. Et voilà, par contre, j'ai une anecdote sur le monsieur qui joue le docteur, qui s'appelle William Shalert, et qui jouait aussi le docteur dans L'Homme qui rétrécit. L'Homme qui rétrécit, 1957. L'Aventure Intérieure avec un homme qui rétrécit. Mmh. Voilà, petit clin d'œil. Ça, je l'ai pas. Il me semble pas l'avoir vu beaucoup de fois, tu vois. 57, c'est pas mes années, ça. Juste excellent médecin, puisque il a quand même comme symptômes des cauchemars, des mal de crâne, et il lui dit vous êtes allergique à la laque. Non, il a des boutons aussi. Et au lieu de lui filer des corticoïdes, il fait ah, prenez des vacances. C'est-à-dire, tu vas rentrer, ça a passé, ou ah, ben non, je peux aisément me remettre de la laque. J'ai fait une semaine à Saint-Tropez. Alors, basculement sur l'expérience, on va rentrer dans le cœur du sujet. Le problème de Dennis Quaid, c'est que c'est Top Gun, mais en alcoolique. C'est que c'est vraiment un gros connard. Il est pas très gentil. Rupture avec Meg Ryan, parce que c'est un turbo connard, il la prend pour une conne, il est débranlé, il a un vrai problème d'alcool. J'insiste là-dessus, parce qu'il va y avoir vraiment un changement de la personnalité au cours du film qui va faire qu'à la fin... Tu veux dire un back to the values? Ouais. Un back to values. Ouais. Front flip back to values. Et alors là, moi, j'ai déjà un premier problème avec l'expérience. L'expérience, en gros, c'est on va te mettre dans une machine, on va rétrécir cette machine, et ensuite on va t'injecter dans un lapin. Putain, ça va vite, hein. On pourrait peut-être déjà essayer de faire juste un rétrécissement puis un agrandissement. On pourrait peut-être essayer de le faire sans le mec dedans. Bah, non, c'est vrai là, on fait tout d'un coup, quoi. Non, bah, autant le faire tout de suite. On va directement jeter un manos dans la capsule et le mettre dans le lapin, quoi. Mais pourquoi un lapin? Oui, alors, ce que j'imagine, c'est quelle grande découverte scientifique tu veux faire dans un lapin? T'as juste à le disséquer pour savoir comment ça fonctionne. Ouais, on l'a tous fait. Ou alors, encore plus ingénieux, tu pourrais agrandir le lapin pour pouvoir rentrer dedans. Le lapin géant dans la ville. Putain, mais c'est excellent. Du lapin géant. C'est une excellente idée. L'aventure extérieure. Ouais, ce qui me fait mal, c'est que quand il va être dans le corps, pas du lapin, mais du gars, là. Du bisu, ouais. Dans son petit pod, il a tous les trucs pour pouvoir interagir avec l'humain. C'est-à-dire qu'il a une broche pour s'accrocher au tympan et un truc pour aller dans la rétine. Et c'est-à-dire que à quoi ça te sert dans un lapin d'aller dans le tympan du lapin? Bah, tu vas lui dire vas-y, tourne à gauche, tourne à gauche. Le lapin, il s'en fout. Mais c'est dans les deux sens. C'est pour entendre ce que le lapin il entend. Il avait vraiment prévu pour parler au lapin. C'est-à-dire que dans sa capsule, il fait. Merci, pépère. Le lapin n'aurait pas pu lui répondre. Donc il n'aurait pas pu savoir qu'il interagissait avec le lapin. C'est vrai. Et surtout, le lapin, à un moment, il fait putain, mais qu'est-ce que j'entends là? Tu sais, le lapin, il se gratte l'oreille comme un débile. Hein. Bah, le caissier aussi. Il se gratte jusqu'au sang. Hein. Bon, bah, du coup, c'est une belle expérience. Après, pour le soigner, pour sa cicatrice tintin. L'expérience. Alors, le pod, il tourne sur lui-même dans une espèce de. Le bruit de diable de Tasmanie. Ah ouais, bruit de pas pourquoi. Et alors là, flash. Et là, il y a toutes les feuilles qui valent dingue. C'est-à-dire qu'il y a, les mecs, c'est la première fois qu'ils le font, quoi. Ah, putain, toutes mes feuilles, toutes classées. Il y a genre une tempête de feuilles. Un compte de résultats et tout partait. Oh, mon scénario. Bon, on va le faire dans mauvais sens, tant pis. Et alors là, il est injecté dans une seringue avec un liquide, je sais pas trop. Oui, c'est parce que c'est un liquide. Bon, le truc, c'est du liquide amniotique. Ça, c'est pour mettre dans. Tout à fait. C'est bah pour, ouais, c'est évident, pour mettre dans le lapin si quelqu'un. Et là, il y a un des scientifiques qui prend la seringue et il prend une loupe et il regarde, il fait. Ah ouais, et là on voit un plan où on voit le Manos dans son vaisseau en train de dériver dans la seringue. Et alors il a l'air méga serious. C'est abyssé de rire. Et là vont débarquer les voleurs de puces. Alors qui raconte les voleurs de puces? Alors moi ça j'ai rien compris. Moi ça me fait penser un peu dans Piège de Cristal. Tu sais, on dirait un groupe d'Allemands qui arrive, quoi, tu vois. C'est dans Piège de Cristal, ouais. Ça. Pas d'armes, hein, pas d'armes. Que des bonbonnes de lac. C'est vrai. C'est des faux techniciens du téléphone, c'est ça? Ça rend allergique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est sécurité zéro, quoi. Ouais, sécurité zéro. Ah, bah, c'est sécurité 2000. Sécurité 2000. Quand même, en fait, aujourd'hui, on avait une interview dessous du téléphone, et le temps qu'ils disent non, voilà, c'est fini, c'est terminé. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le caissier, il est allergique à la laque, c'est peut-être une bonbonne de gaz, en fait, qui se met dans les cheveux depuis le début. Bon, en tout cas, ils sont super vénères, ils arrivent avec leur lac, et ils veulent voler le power chip. Et donc, c'est ce qu'ils font, le power chip, qui est un petit mécano. Rouge fluo. Et donc ils le chopent et puis bah, ils se barrent avec, et sauf que ils se rendent compte qu'il y avait le man dans la seringue, et le docteur qui est là, il dit oh là là, il faut que je sauve le Manos, donc il se barre. Et là, il se réfugie dans un centre commercial. Mais avant d'aller dans le centre commercial, j'ai essayé de dérouler le film très vite pour que ça finisse vite. Avant d'aller dans le centre commercial, plutôt que de se planquer, il se décide de faire du vélo en plein milieu de la Capua. Oui. Parce que c'est quand même moins dangereux. Poursuite en vélo, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est complètement con. Et, oui. Et ben, il se retrouve vélo dans contre le... voiture. Et alors, il se fait poursuivre par une statue du musée Grévin. Il a ah oui, gogo gadget au bras. Complètement figé au niveau du visage. Oui, alors, le méchant, très iconique, c'est fabuleux. C'est une sorte de méchant un peu qui sortira James Bond, quoi. C'est un mec qui a des bras interchangeables, c'est un peu un robot, quoi. Il fait penser au méchant dans Roger Rabbit aussi. Il avait qu'à faire un dessin animé de Jordan, quoi. Ouais, tu vois, ouais, quoi, là, quoi. Il nous a agacés. Hein. Et il y a quand même, dans les méchants, moi, j'ai pas compris pourquoi la médecin était nympho. Bah, ça, c'est pour introduire le très bon gag du robot que je vais expliquer tout à l'heure. J'aimerais. Attends, je te finis vite fait parce qu'on va rentrer juste dans le fil de l'action. Hein. Ça met une seconde. Et donc, il y a course-poursuite dans le. Dans le centre commercial. Ouais, faut que je me dépêche là, je suis désolé. et bah, pour sauver le vaisseau, bah, il l'injecte dans le premier couillon qui passe et il se trouve que c'est notre couillon. Non, parce qu'il se prend une balle dans le dos, ouais. Il se prend une balle dans le dos, il sait qu'il va mourir et du coup, plutôt que de laisser la seringue aux mains de la statue du musée Grévin, il préfère. Moi, je le trouve étrangement super serein, le bisu, parce que moi, il y a une espèce de Manos trop chelou qui me plante une seringue dans la jambe, je pense que je pète un câble. Déjà, je me dis que j'ai le sida. Déjà, premièrement, et ensuite, je lui hâte la gueule, quoi. Bah, sauf s'il est déjà mort. Quoi. Bah, alors là, rien à foutre. Hein. Ça change rien. On rappelle juste les bails scénaristiques. Il faut que je vous explique pourquoi les méchants volent le chipset. Ouais. Alors, la petite chip, puce, chip mécano. Ça permet de rétrécir. Alors, on sait pas pourquoi. Rétrécir. C'est pour être vraiment sûr. Et puis après, l'autre, c'est pour agrandir. Mais alors, ils en ont vraiment besoin. Et alors, pour rétrécir. Sauf que plus tard dans le film, ils vont rétrécir un Manos eux-mêmes. Donc en fait, pourquoi mais ils non, ont besoin non, c'est pour réagrandir. Non, mais ils ont le chip. Il y a deux puces. Bah, il y a deux puces. Ouais. Il y en a une pour rétrécir, une pour agrandir. Mais alors. Pour non, rétrécir, mais de toute façon, ça n'a aucun sens. Si on peut expliquer le truc du chip, quoi. Parce que au pire, t'en fais 10 et puis voilà, la fin des bails, quoi. C'est vrai que c'est complètement con. Pendant toute la course poursuite. Dennis Quaid, il est dans son vaisseau et il se fait putain, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, pour un lapin, c'est bizarre, ça bouge. Il va bien vite. Et voilà, donc lui, il est vraiment en déroute. Et à la fin de toute cette scène, le plan d'après, il se réveille de son vaisseau, genre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quoi, au bout d'un moment, le mec, il fait, bon, je vais faire un petit somme, de toute façon, perdu. Je vais me caler là dans le coin. Évanoui, ah, hyper connaissance. Ouais. Bon, ensuite. Vient le caissier, introduction du personnage du bisu. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision? Il est en date avec Wendy, qui est pas mal d'ailleurs. Moi je me mouille pas là-dessus, hein, je préfère te dire. De quoi? J'y vais pas, je me mouille pas sur cette explication. Ah bon? Ouais, bah oui, t'as déjà expliqué plein de trucs, il faut que tu partes. Wendy, je l'ai trouvé super jolie, plus jolie que Meg Ryan d'ailleurs. Ouais. Un peu vulgaire quand même. Hein. Sans pas s'en déplaire. là, il y a un truc qui. Alors, son rêve va se réaliser, la caisse, elle va bugger. Alors, pourquoi elle va bugger? Il fait un cauchemar, voilà. Il fait un cauchemar régulièrement et il vit son cauchemar. Alors le cauchemar, vraiment, je vais vous raconter, ceux qui sont fragiles, je vous conseille vraiment d'arrêter l'écoute de ce podcast pendant à peu près une minute. Ouais. En gros, ils rêvent qu'ils passent des articles à la caisse et au lieu d'être écrit le vrai prix de l'article, c'est-à-dire 2 ou 3 dollars, c'est écrit 100 000 dollars, 200 000 dollars. Et du coup, la cliente, au bout d'un moment, elle fait « Bah dis donc, c'est très cher » et elle sort un mini pistolet. Je suis désolé, arrête-toi là, je peux plus en entendre plus. Et c'était dur cette scène, dure. Et son rêve va se réaliser. Et Moi, j'ai fait des rêves comme ça, hein, en rapport avec mon travail. C'est-à-dire où tu passes pas les bons articles. T'es bah oui, bah. T'es plus hôtesse de l'air. Non, mais ça m'est arrivé dans mes multiples jobs de. Tu travailles pour la marque à la poire. Non, mais ça vous arrive pas, vous, de faire des cauchemars de votre taf, de trucs que vous refaites toute la journée et que vous faites mal jamais? Bah, souvent, moi, c'est pas des cauchemars, il y a Wendy dedans. donc là, les articles, ça va bugger, il va péter un câble. Et alors là, attention, c'est déroute maximum. Eh ben, c'est cher pour un flacon de shampoing, rien du tout. Vas-y. Oh non. 128 600 dollars. Et c'est avec ou sans les coupons de réduction? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un cauchemar. Quoi? C'est un cauchemar. Toi, tu fais pas le détail quand tu te plantes. Écoute, mon canard, je ne garde jamais autant de liquide sur moi. Non. Oh non! Ce qui est marrant, c'est que... Allons, ressaisissez-vous, Jack. J'ai besoin d'aspirer. Quoi? T'as coupé la parole. C'est que je parle sur le début d'extrait. Ça, c'est très marrant. Non, mais, alors déjà, doublage 2000, quand même. Ouais, doublage 2000. Ah bah oui, doublage 2000. Ouais. Ah, on va dire 3000, parce que c'est quand même un peu mieux que 2000, mais... Ouais. Non, ce qui est marrant, c'est que tu vois, la caisse est en train de bugger complètement et son boss arrive et il l'accuse lui, tu sais. Genre, c'est lui qui a fait bugger la caisse. Tout le monde, même Wendy, elle fait bah dis non, toi, t'y vas pas à moitié quand tu fais des conneries. Et même elle fait là, c'est un peu cher, 120 000 dollars. Tu vois, genre, mais personne n'a une réaction normale en fait. Tout le monde est fou dans ce film. Le gars, il est complètement responsable du bug de sa caisse, quoi. Enfin bon. Alors, coup de chapeau et mention spéciale aux scientifiques qui ont designé le vaisseau, puisque le mec se retrouve pas dans un lapin, mais dans un corps humain, et le vaisseau, il a été programmé pour s'adapter à tous les corps. Hein. Évidemment, ils avaient prévu l'éventualité. À tous les organismes, à la limite. Ouais. Ça, c'est pas c'est trop cohérent. Vous avez remarqué qu'il y a un GPS intégré pour se repérer dans le corps humain. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il doit patienter 2-3 minutes, scan, et là, il fait... Hop, ça y est, il a toute une autoroute de vaisseaux sanguins. Il fait, ok, donc là, l'idée pour aller dans l'oreille, on va prendre ce chemin-là avec ce nerf-là et tout. Enfin, c'est totalement n'importe quoi. À la 36. Et là, il va aller se brancher sur les yeux. Vous savez que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, hein, hein. C'est des faits scientifiques, hein. Ça a été vrai. Vous avez l'air tous de tenir vraiment à ce que tout soit carré. Je vous le dis, c'est scientifiquement prouvé. Ouais, hein. Ça a été. Enfin, il y a eu des expériences comme ça. Vous saviez pas? Ah bon, mais ça a été fait trois fois, il y a eu une insertion. Et donc une fois sans faire exprès, ça devait vraiment être dans un lapin. Ouais, c'était vraiment dans un lapin. C'était bien un suppositoire, je crois, la première fois. Donc il se branche aux yeux, il voit, il se branche aux oreilles. Il entend. J'ai noté, j'ai même plus ce que c'est, scène de l'ascenseur, j'ai écrit LOL, voilà. Donc, je pense que c'est du rire aussi. Scène de l'ascenseur. Je sais pas ce que c'est. Ah, ici, il lui parle. Ah, mais oui, ça y est, je me souviens. Ah, oui. Ah, il lui parle dans l'ascenseur. Il lui parle dans l'ascenseur, et comme tout le monde fait silence dans l'ascenseur, donc du coup, lui, il pense que c'est des mains de l'ascenseur. Ah, ah. Si, c'est rigolo. Oh. Et ensuite, le gars, attends, il faut quand même se mettre à la place du Manos. Il est enfermé dans le corps d'un gars, où il sait même pas, il est censé être dans un lapin, mais il se rend compte qu'il est dans un mec. Il sait pas qui c'est, totalement étranger. Enfin, là, il se dit, putain, mais là, en fait, je mesure moins d'un centième de millimètre, mes chances de survie, là, elles sont super faibles, quoi. Et là, le gars, il parle à l'autre, il fait « Allez, parle-moi, s'il te plaît !» Parce que l'autre, il veut pas lui parler. Mais mec, moi, je suis en train de péter un câble, j'appuierais sur tous les boutons, quoi. Non, mais c'est même de l'autre côté, genre, t'as un mec qui te parle dans l'oreille, tu dis ça y est, je suis complètement schizo, quoi. C'est bon, je suis foutu, quoi. Bah, c'est ce qu'il pense, d'ailleurs, au début. C'est pour ça qu'il va voir son médecin et qu'il lui dit qu'il est possédé. Non. Ouais. Moi, ce qui me ferait flipper, c'est de me retrouver dans l'intestin avec les excréments, du coup. Merci, Michael. J'ai demandé de le refaire. Et alors ensuite vient l'électromagnétique booster. Alors c'est un bouton qu'il a dans sa capsule. Est-ce que tu peux raconter ce que c'est, Julie? Je peux. Tu te souviens qu'on parle de l'aventure intérieure. Oui, absolument. Mais j'ai l'impression que personne aime ce film. Alors moi, ça me déçoit. Ouais, non, on l'aime bien, Julie. Mais on l'aime bien. C'est sympathique, mais un petit peu ridicule. Moi, je trouve ça chouette. Hein. Ça nous fait un bip-bip, donc. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électromagnétic booster? Bah, c'est une bonne question. Je te la retourne. Parce que c'est le truc qui fait exploser la télé. Parce que tu fais ton malin. Ah bah oui, c'est le truc qui fait exploser la télé. Bah. Alors pourquoi on a installé ça dans sa capsule? Puisque ça sert à faire exploser les télés devant le manoir. Et la question c'est, putain, si ça fait péter une télé à 20 mètres du gars, ça doit certainement lui filer le cancer du cerveau aussi. Parce que, à mon avis, ça doit te filer un coup de jus, mon pote. Là ensuite, tiens. C'est quand même moins nocif que la laque. Hein. Le mec se prend 3000 volts à l'intérieur du cerveau, histoire de que ça fasse péter les micros. Il y a pas un bouton. Ouais. Et ça fait même casser ses deux télés, puisqu'il en fait péter une et ensuite une autre. Non, c'est le magnétoscope. Ah, c'est le magnétoscope après. Magnétoscope. Ah putain. Il me semble autant pour moi, je retire tout ce que j'ai dit. Il me semble que ça envoie un projectile de la télé jusque dans sa vitre qui est derrière. C'est la cassette du magnétoscope. Ah, c'est la cassette du magnétoscope. Vous avez pas regardé. Fais-nous un bip bip là. Alors ensuite, il y a le faux réparateur ninja qui vient. Oui, qui ah, le faux réparateur. Mais surtout, c'est trop marrant parce qu'il rentre, on sait pas pourquoi il est là, il fait je suis le réparateur de je sais pas quoi. Il vient livrer les billets. Il livre les billets pour sa croisière, il part en vacances. Donc c'est le livreur, il arrive, il fait je peux rentrer chez vous, j'ai un coup de fil à passer. Moi, ça m'arrive vachement souvent. Surtout, il fait ah bah je vois que vous avez cassé votre télé. Tu devais se douter de quelque chose. Donc là, scène de baston. Votre poste, qui dit. L'autre, comme il est dans son oreille, il lui donne des conseils de baston, ce qui le rend plus fort. En vrai, c'est un bisou qui s'est jamais battu, je pense que tu. Bah oui, il est faible. Et là, d'un seul coup, il fait mets lui un coup de pied dans les burnes. Et là, boum. Ouais. Tu sais que ça, je pense que c'est vrai. Parce que quand t'es déjà stressé et que t'as un mec qui te gueule dans l'oreille en disant vas-y, fais ça. En général, tu sais, ça marche quoi. Il me semble que Mohamed Ali a gagné pas mal de combats comme ça. Vas-y, mets-lui une droite. Tu sais qu'il y a une affaire avec Mohamed Ali, hein, il jouait à l'oreillette. Disqualifié, hein, il jouait à l'oreillette. Mets-lui à gauche. Et alors là, top chrono, on apprend qu'il lui reste plus que 9 heures et après plus d'air. Non, jusqu'à 9 heures du matin. Ah bon okay, je oui, sais jusqu'à 9h du bien matin. Plus précise que nous sur ce film. Demain à 9h. Et là, ils ont un objectif, c'est-à-dire qu'il faut absolument se dépêcher pour trouver l'autre puce électronique. Et là, l'objectif premier, c'est d'aller chez lui et de se débranler. J'ai trouvé ça exceptionnel, c'est-à-dire. Comme quoi, il a les idées claires encore. Quoi. Non, mais là, c'est totalement assumé. C'est le héros de ce film est un alcoolo et il va pas y avoir du tout. À la fin, il boit plus. Hein. Pas du tout. Non, c'est... Alors, il y a le colo, il va le rester. Ouais, mais il va demander, à la fin, il va te perdre. Donc tu te doutes qu'il va un peu rentrer sur le chemin. Il va demander à. Ah ouais, ça change. Tu parles, il va mettre des roustes à son moment. Il est où le gamin? En plus, ce qui va être super chiant pour le homme, c'est qu'à chaque fois, il va lui raconter quand j'étais dans le corps de machin. Oui, papa, tu me l'as déjà raconté cette histoire. Reviens là. Tu les feras demain, tes devoirs. Bon, il faut préciser qu'il a une Covid parce qu'en fait, dans sa petite capsule, il a pris tout l'attirail pour boire, c'est-à-dire toutes les bouteilles et les verres, mais pas d'alcool. Ouais. Et c'est con, hein. Du coup, il demande à Franck de boire du bourbon cul sec. Et lui. Hein ? Il s'appelle Franck. Il s'appelle pas Jack ? Jack. Oh, c'est pareil. Et en fait, il tend sa bouteille en dehors de la capsule pour récupérer l'alcool qui a été ingéré. Alors qu'en principe, et il se tape pas du tout des vieux sucs, des vieux trucs dégueux du corps humain. Non, quoi. Surtout qu'il a bon, quoi. Juste avant. En fait, il doit avoir un glaviot de 200 millilitres dans sa bouteille. C'est dégueulasse. Non, mais ça, c'est ridicule parce que juste avant, on lui dit qu'il peut pas, ouvrir la porte en gros. Capsule. Comment il fait pour prendre l'alcool? C'est clair. Bah si, mais il y a un sas de décompression. Il y a un sas. Mais il est trop alors il y a un sas de décompression pour qu'il prenne de la tisane, mais pas pour qu'il respire. Bon, je pense. Ouais. Bon, bref. Enfin, du coup, ils se retrouvent bourrés tous les deux, et moi, j'étais étonné qu'ils lui disent pas « Va pisser dans la cuisine !» Non, mais c'est vrai que c'est complètement con, cette histoire d'air, parce qu'à un moment, il change de corps et tout, il a qu'à ouvrir sa capsule, et il a de l'air, et puis c'est bon, il a encore plus d'air. Fin des bails. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, mais surtout ouais, qu'en plus, il y a toute une galère pour sortir, sachant que premier move, il embrasse une meuf et sa sœur bave par terre. Non, ça... sachant qu'il doit aller partout avec son petit vaisseau. Bref, c'est complètement con. Ouais. Là, il va voir Lydia repartir, donc Meg Ryan. Ouais. Et alors au début, Maigret, elle le prend un peu pour un con. Et lui, à l'intérieur, il connaît bien puisque c'est sa meuf qui l'a un peu légard parce qu'il est un peu guélard parce qu'il était alcoolo. Et ça marche pas bien parce que le bisu, il est trop bisu avec Maigret et il lui donne un conseil. Il lui fait, faut que tu la domines. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Il n'hésite pas à dominer. C'est, le premier move qu'il fait, c'est qu'il fait, si tu veux que ça marche avec Meg Ryan, viens, déjà, on va aller se débranler un peu. Et ensuite, pour qu'elle te respecte, n'hésite pas à la dominer. Et le pire, eh ben, c'est que ça marche. Ça marche pas mal. Sauf qu'il va se faire kidnapper. Pas de chance, hein. Ouais. Voilà. Quelqu'un enchaîne, là. J'ai pas du tout envie de raconter, moi, le kidnapping. Moi, je m'en rappelle plus. Moi non plus. Bon, bah, je vous lis quoi, les mots. C'est quoi le titre du film? je vous lis les mots et puis vos. Ah oui, il se fait kidnapper par le méchant Gogo Gadget au poignet. C'est ça. Et ah oui. qui se fait enlever sa voiture par la fourrière en 15 secondes chrono. Donc, oui, c'est vrai. J'ai noté ça, c'est très drôle. Ouais. La fourrière de San Francisco est rapide. Ça rigole pas. Double fil, au bout de 27 secondes, tu jartes. Du coup, il vole un camion réfrigéré. Ouais. Ah putain, on éclat. Et ce qui est trop cool, c'est que dans la scène d'après, le boss du méchant... Il a quand même prévu sa petite moumoute à San Francisco. Quoi. au cas où il y aurait une course poursuite dans un camion réfrigéré. Et alors là, donc là, c'est kidnapping mafieux, cigare, fourrure, poursuite en camion. Donc là, il lui dit, en gros, Dennis Quaid dit à Jack, attention, tu vas devoir y aller, motive-toi. Et en fait, il y va trop vite et il ouvre la porte arrière du camion alors que le camion est toujours en marche. Donc, et il se retrouve à devoir sauter dans la décapotable de... Meg Ryan. On a bien alors, suivi. Ensuite, il va s'en sortir. Il est dans la décapotable de Meg Ryan, donc c'est bon, parce qu'après la route se sépare exactement à ce moment-là, donc ils les ont semés. Là, il y a un mini happy mission, quoi, c'est-à-dire mission accomplie. Et là, le mec, donc tout le monde est content. Et l'autre connard dans son vaisseau à l'intérieur du corps humain, il fait un appel de phare. Ça m'a fait éclater de rire. J'en étais content. Il fait un appel de phare. Ah ouais, genre un appel lumineux, quoi. Pour les globules blancs, tu vois. Genre yes. Et alors là, vous savez tous ce que ça veut dire. J'ai écrit sur ma feuille What dildo robot. Est-ce que quelqu'un veut bien parler de cette scène? Je vois pas. Quelle scène? Je vois pas de quoi tu peux parler. Attends, vous l'avez. Non, mais là, me dites pas qu'il y a que moi qui l'ai vu ce truc-là. Non, t'as vraiment vu une version longue encore, hein. Non, j'ai vu une scène où le méchant mafieux, il appelle la méchante doctoresse, là, l'info, qui a les cheveux roux, et elle est en petite tenue dans une chambre d'hôtel avec le monsieur robot qui peut interchanger de main, qui peut mettre une perceuse, qui peut mettre un flingue et tout. Et là, elle lui dit, non, je ne suis pas disponible pour l'instant, elle raccroche, et l'autre, le robot, tu vois pas ce qu'il met sur sa main, et t'entends Non. Et la scène s'arrête. Vous l'avez pas vu ce truc? Moi je pense que t'as vu une autre version de l'aventure intérieure. Je vous jure qu'on met l'extrait. J'ai vu ce truc là, j'ai fait What? je me souviens de la scène où elle est en nuisette, mais pas du. C'est vrai. Je sais que tu télécharges tes films légalement, Antoine, mais tu l'as trouvé sur quel site celui-là, ce film? Ah bah là. Non, mais il y a la meuf en nuisette. Mais après, tu l'as peut-être fantasmé. Ah, mais non. Tu l'as fantasmé, Antoine. Ah, je vous la mettre. On est tous d'accord pour dire que j'ai presque envie de couper ça pour que je vous trouve le truc, hein. C'est scandaleux. Oui, Antoine. Oui. Faut tout le monde pas une occasion de raconter des histoires. C'est quand même incroyable. Pas de problème. Bon, est-ce que j'ai vu ça? Je l'ai vu. C'est le petit bonhomme dans ta tête. Bon, mais ben non, je l'ai vu ça. J'ai même vu après quand ils sont dans l'avion. Bon, et alors ensuite, introduction de mon personnage préféré et surtout en VF, grâce à Michael. Il me l'a fait découvrir. Le personnage du cow-boy mexicano-uruguayen canadien. Il est exceptionnel. Qui est très très drôle et en VF, il chante. Et alors là, c'est pas doublage 2000, c'est pas doublage 3000, c'est doublage 2 millions. Je suis un vieux courbois. Hein? J'ai la gueule de l'emploi. Moi non plus, je l'ai pas, celle-là. Mais je suis pas arqué. Et je suis pas bronzé. Je suis un vacher qui n'a jamais vu de vache. Avec mon lasso, à chaque coup, je m'écrache. Et j'apprendrai pas ces métiers de ganache. Yippie-yay-yo-hé. T'as vu ça, hein? Incroyable. J'ai refilé $100 au concierge pour être à une cloison du cowboy. Alors, il faut savoir que tous ces mouvements. N'importe quoi. Je l'ai pas vu ça. Moi non plus, je l'ai pas. Vous n'avez pas vu ça? Eh ben, au début de cet extrait, on a entendu un bouf. Et ben, c'est le fameux bouf dont je vous avais parlé. Eh ben, je pense qu'il y a deux versions parce que moi non plus, j'ai pas vu ça. T'as pas eu le cowboy. T'es trop dégoûté. On dit pas un cowboy, en français on dit un vaché. Putain, la version quoi. Ça c'était pas mal. Du coup, ça expliquerait pourquoi on a des différences de ressenti peut-être sur ce film si vous en avez une version. En fait, nous on a vu la version nulle et nous on a vu la version bien quoi. Ah putain, mais. Tu l'as vu toi, Greg? Non, mais j'étais pas très attentif. Non mais tu l'as vu Greg ce film ou pas? Ah ouais, bah ouais, je l'ai vu. Donc là le cowboy il essaye sans paire de chaussures, tu sais pas pourquoi. Moi Santiago. J'ai une petite question, c'est pourquoi notre héros, enfin nos deux héros, sont pas restés avec les méchants puisque c'est les méchants qui ont l'autre puce et qui ont prévu de l'extraire et. Ouais, mais fait, ça c'est ridicule. Hein. En fait, ils se seraient pas fait chier quoi. Pour... Ils jouent à chat, tu sais pas pourquoi quoi. Ils jouent à chat parce que c'est cool. Non, non, mais genre, super, genre au chat et à la souris, pardon. Après, ils vont là à l'Inferno Club. Et alors là, j'ai pensé. Ah, là, c'est magique. Alors là, mais là encore, j'espère que je suis pas le seul à l'avoir vu. Ils vont à l'Inferno Club et il y a la danse du lasso. Oui, il y a la danse du lasso, ouais. Ouais, la fameuse danse. Lasso, ouais. Elle est exceptionnelle, cette tu danse. Tu l'as vu? Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai pensé à toi, Greg. Oh, ouais. Greg, c'est trop pas crédible. Parce que vous ne le savez pas, mais Greg est un vaché. Exactement. Greg est un vaché c'est exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et Greg fait la danse du lasso, mais avec un vrai lasso, ce qui est beaucoup plus chiant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver au Buffalo Grill de la République à côté du Flipper, si vous me cherchez. On y va assez souvent. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur l'Inferno Club? Bah, je pense que c'est la pire scène. C'est la pire scène de danse. C'est la pire scène de danse après celle de Scarface, quoi. Ah, mais ça fait penser. Hein. C'est ça. Ouais, c'est un peu, ouais. Ah non, moi j'ai trouvé cette scène parfaite, quoi. Les looks. Non, bah, moi, ça me fait penser à la scène ouais, de boîte de nuit. Ah, mais c'est, ouais, c'est les scènes de boîte de nuit, elles se ressemblent toujours un petit peu dans ces. Ouais, ouais, tout est rose. Les gens savent pas danser, quoi. Les looks qui sont parfaits. Les looks sont vraiment cool. Et les coiffures. Grave. La danse est parfaite. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Film dans le film, puisque le bijou va tomber amoureux de Meg Ryan. Ouais. Il va y avoir une espèce d'histoire d'amour entre les deux. Bah, limite à trois. Hein, rien compris à ça. Alors, ouais, c'était bizarre. C'est mignon. Sérénade à trois. Non, mais c'était hyper bizarre. Enfin, non, mais alors moi, ce que j'ai trouvé elle, bizarre. Elle était sérieux ou quoi? Elle trompe son mec? Non. Alors, elle a enceinte la vérité. Ah oui, elle est enceinte. C'est vrai, elle est enceinte. Je suis contente, tu commences. Non, mais ouais, moi, j'ai trouvé ça chelou. Mais alors que le bijou, il tombe un peu amoureux de Meg Ryan, d'accord. Tu vois, ça passe encore. Mais elle, comme elle joue avec lui. Oh. Non, après moi c'est ce que j'ai pas compris, c'est la dernière scène où elle le smack le jour de son mariage quoi. Ouais, non mais oui, c'est vrai. Ça c'est débile. Enfin, c'est bon, ça, c'est... on a fini là du coup, on a fait la dernière scène. Ah non, non parce que on faut quand même qu'on aborde elle le thème. Elle a de la tendresse, elle a de la tendresse pour lui. Oh, voilà. Bah attends, tu roules pas des pelles à tous les mecs avec qui t'as elle roule pas, elle roule pas une pelle, elle lui fait un bisou rapide sur la bouche. Ouais, mais c'est son mariage quand même, une bisou rapide. Avec Mickaël, on les rencontre pas, les filles qui font ça. Et on en a plein de la tendresse. J'en ai plein à donner. Nous, on voudrait d'ailleurs passer une petite annonce avec François-Anne. Et je sais plus ce que je veux dire. C'est pas grave. Pour mieux que tu la fasses pour celle-là. C'est important. J'aimerais que tu nous expliques, Mickaël, le morphing. Oui. Oh, c'est nul, ça. Ah, pardon. Bah, laisse expliquer, Mickaël. Les gens s'en feront inonder. Moi, j'adore le morphing. Bah, alors, en fait, il a le pouvoir Tuc, il a le pouvoir de changer les visages aussi. Ouais, parce qu'à la base, c'était pour changer des visages de lapin. pour en faire des visages de d'autres lapins. Ah ouais, c'est incognito. Il a pas du tout la même tête qu'avant. Hein. C'est pas le même lapin. De lapin à cochon d'Inde. Et du coup, en fait, du coup, il passe par une phase intermédiaire où il se prend beaucoup de vent dans le visage. En fait, ça déforme son visage et il va prendre la gueule du vaché, d'ailleurs. Le process, c'est il regarde le vaché dans les yeux. L'autre, à l'intérieur, il a un espèce de logiciel de reconnaissance faciale. Et là, il fait « Ah, par contre, j'ai jamais utilisé ce machin. » Et là, il y a un plan où il a des petites lunettes et un bouquin de 200 pages. Ouais, avec des dérivés. Genre... Putain, mec, t'es pas pressé, quoi. Bah, c'est le manuel d'utilisation du téléphone dans la Force One. C'est la même chose, quoi. Et là, ensuite, il y a un rendez-vous avec le méchant où il va se faire passer pour le cow-boy. Putain, ils se reconnaissent pas. Puis en fait, après, ils se reconnaissent. Et puis en fait, machin, on ne comprend mais que dalle. Moi, j'avoue. Et pour une fois, je me tourne vers Julie, puisque j'avoue que cette scène m'a beaucoup fait rire. Bah, elle est trop cool cette scène. C'est un vrai hommage au cartoon. Enfin, moi, j'aime beaucoup Joe Dante pour ça et je trouve que c'est vraiment très chouette. Je le répète. Donc ensuite, ils vont en prison. Il va y avoir un kiss. Il va lui demander de débrancher le visu de l'autre, comme ça il peut embrasser sa meuf. J'ai trouvé ça complètement con. Attends, encore une fois, je suis seul à l'avoir vu, c'est vrai. Non, si. Ce qui est con, c'est surtout qu'en s'embrassant, il passe d'un corps à l'autre, quoi. Enfin, je veux dire. C'est une petite facilité, ouais. C'est surtout que moi, à la place du gars dans le vaisseau, bah, je lui dis, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, je le fais, mais en fait, je surveille ce qu'il fait, le gars. Mais grave. Mais surtout qu'il lui dit, attends, parce que tu vas embrasser ma meuf, là. Et là, tu fais, non, je suis seul avec elle. Faut que j'aille aux toilettes. Si c'est pas ça, c'est bon, je vais couper. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une scène, justement, aux toilettes où il parle, en fait, pendant qu'il est en train. Et le mec pense qu'il parle à sa bite, mais du coup, qui voit sa bite tout le temps, quoi. Bah, ça va, c'est deux garçons entre eux. Toi qui es habitué des vestiaires, tu t'en fiches de ça. Bah oui, c'est vrai. Et alors ouais. Oui. Non. Non oh. Ah. Donc là, ils vont. Enfin bref, ils se débranchent, ce film n'a aucun putain de sens. Et alors là, le plan. Alors ça, accrochez-vous, ces plans vraiment diaboliques. Le plan des méchants, c'est. De miniaturiser un autre gars pour aller à l'intérieur du corps, ouais. Pour récupérer la puce, pour agrandir, bah le gars qui s'est fait miniaturiser. Sinon ils peuvent pas agrandir. C'est complètement con. J'ai l'extrait qui explique tout ça. Monsieur Potter, s'il vous plaît. Hé, doucement, mettez la fille dans mon bureau. Ne vous inquiétez pas, nous savons ce que nous faisons. Nous utiliserons la puce 1 pour miniaturiser Aigo. Et puis nous l'injecterons dans Potter. Exactement. Il va prendre le module, éliminer le pilote et s'approprier la puce 2. Voilà, c'est un plan extrêmement ingénieux. Entre-temps, on a découvert que Meg Ryan était enceinte. Hein, opération coup de poing. Pardon. Ouais. Et ensuite... D'ailleurs, elle est enceinte d'un extraterrestre, en fait. D'accord. Mais non, c'est un fœtus. Je sais même pas à quoi ça ressemble à fœtus. Les coups de SVT. J'ai fait clasher sur de la science. Fœtus, c'est pas ceux qui faisaient du poisson pané, là. T'as envie de le faire, le jingle? J'ai crevé d'envie de faire, heureusement, il y a fœtus. Donc ensuite, scène finale. Alors, les méchants vont se retrouver tout petits. Ils vont faire 50 cm parce que... Moitié petit. Ouais, puisque ça s'arrête à 50%. Donc, dans le processus de passer de 1m80 à 1 micronième de millimètre, 50%, c'est 1m30. Là, faudra m'expliquer. Eh ben, tu rentres quand même dans un lapin. Là, faudra quand même m'expliquer. Mais non, mais oui. T'as pas une anecdote sur cette scène-là, Julie? Non. Ah, mais c'est moi, j'ai vu un truc où... Ouh là là, ça va être bataille d'anecdotes, là, vas-y, mais... J'ai vu un truc, la scène où t'as les deux méchants qui sont en mode petit lutin, là, ouais. Dans la voiture. Ouais. Ah, c'est, je sais de quoi tu vas parler, vas-y. C'est des effets spéciaux, vraiment, effets spéciaux 2000. C'est que la voiture est rallongée pour qu'il y ait un effet de profondeur. Fou, ouais. C'est Michel Gondry qui l'a fait, ça. Il non mais tu rigoles mais c'est non mais elle a raison c'est fait exactement comme ça. Et genre la voiture est maxi longue. Chérie, j'arrête de les gosses et qu'ils ont refait des décors géants. Non mais là c'est de la perspective. Non mais là ce qu'elle raconte c'est qu'il y a les quatre acteurs jouent en même temps en fait. Ils sont dans la même voiture et sauf que la voiture est maxi longue. C'est un peu les mêmes effets qui ont été utilisés dans Le Seigneur des Anneaux pour les Hobbits souvent. Avec des effets de perspective dans les maisons des Hobbits où Gandalf est très très grand et Elijah Wood très petit, et ben c'est un peu le même concept. J'ai trouvé ça hyper ingénieux. Ouais. C'est marrant, tu regardes les anecdotes Barbara comme ça. Non mais c'est parce que je recherchais le film et je suis tombée sur des vidéos. Alors t'essayes de prendre le boulot de Julie. Non, il y a pas du tout. Je suis très contente. Greg, t'as fait mes commentaires 5 étoiles. En tout cas, Julie, tu vas partager ton cachet hein, parce qu'elle a fait la première. ensuite, dans l'ordre, un baiser, une attaque de nains, une bataille de vaisseaux. Ouais. Cette semaine, on a vu l'aventure intérieure. Alors, à un moment, ils sont suspendus au-dessus de l'estomac. Et alors, l'estomac, c'est acide. Donc, du coup, à l'intérieur d'un estomac, c'est une espèce de bouillie acide vert fluo. C'est de la bile, hein. C'est de la bile, oui. Alors, t'as jamais vomi en lendemain de soirée quand t'avais rien mangé? C'était rarement de cette couleur-là. Si c'était de cette couleur-là, je me serais drôlement inquiété, je peux te le dire. Ou alors, c'est que vraiment, j'avais mangé 1,5 kg de plaido, quoi, parce que... De quoi? De plaido. De plaido, c'est la pâte à modeler couleur, là. D'accord. Et donc ensuite, il faut absolument tousser, donc on lui met de la laque, préparation paiement, il redevient grand, happy end. Non, mais quand, au moment où il manque d'oxygène, il est au moins 17 heures, quoi. Non, il est pas 9 heures du matin, bah, c'est un bon très longtemps. Costaud à l'apnée, hein, c'est un pilote, hein, 8h50 d'apnée. Et à la fin, le mariage. Et donc, la jolie conclusion de ce film, quand même, c'est que le connard alcoolo qui a fait souffrir Meg Ryan, eh ben, il épouse la gonzesse, et l'autre tocard, eh ben, ça reste un tocard. Voilà. Mais non, il devient un homme, la vérité. Attends. C'est pas encore très racaille, ça. Mais il largue Wendy, là. Il démissionne auprès de son patron, et c'est bon. C'est émancipe. On peut pas dire qu'il monte vraiment en tour, hein, là. Franchement, je l'ai trouvé. Ah, mais surtout qu'après, il va faire un tour de bagnole et après, on sait pas ce qui se passe. Hein, ah, bah, il y a une suite, c'est sûr. Il y a une aventure intérieure 2. Bah, pas par Joe Dante, en tout cas. Mais je pense qu'il voulait faire une suite. Mais... il a peut-être pas eu les fonds nécessaires. C'est un film qui a eu un accueil assez mitigé auprès du public, mais qui a eu un super accueil au niveau de la critique. Ah ouais? Non, mais c'est, enfin, faut le dire. Bah, sans doute, le public a dû voir ma version. Bon, moi j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. Après, j'ai peut-être vu autre chose. Qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement? Bah, on l'a déjà dit, ça, non? Ok, merci Greg. Allez, notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaires. En fait, comme il y a très peu de commentaires 5 étoiles sur l'aventure intérieure, tout le monde n'est pas comme toi, Julie. Du coup, j'ai pris des commentaires de plein d'étoiles différentes. C'est-à-dire qu'il y a du 4 étoiles, du 1 étoile, du 2 étoiles et demie, par exemple. J'ai tout pris. Donc, on commence par quelqu'un qui a adoré, Fabrice Roland, qui titre « Ça, c'est de l'aventure !» Un scénario qui tient la route. Oui, il parle de l'aventure intérieure. Le côté fantastique bien trouvé, qui pourrait presque être vrai. Quand même pas, non. Mais l'histoire est drôlement bien réussie avec action, romantisme et humour, bien sûr. Et quels effets spéciaux, on remarque aucun vilain trucage. Bref, on passe un moment terrible. 5 étoiles. C'est le mot. Ouais. On a Mas 3 qui nous dit... Merci. 4 étoiles. Très bien. Big up. Un scénario original et de bons acteurs. Entre parenthèses, ouais, j'ai la flemme de faire une grande critique. 4 étoiles. On a Didier G qui titre « Pour passer à un bon moment ». Ma fille, mon épouse et moi aimons bien ce film, plein d'effets spéciaux à l'intérieur du corps humain. Attends, je déteste les gens qui racontent leur vie comme ça. Tu racontes un truc, mais tu es obligé de donner un exemple de ta vie personnelle sur un truc où tout le monde en si tu veux. Mais putain, c'est clair, quoi. Ça m'insupporte. Il faut pas hésiter à le dire, Barbara, et t'as raison. Ah, mais ça m'insupporte. Et on va faire une pétition d'ailleurs sur le site. Si tu veux, Barbara. C'est quoi son nom à elle? Si tu veux, j'arrête mon commentaire ici, Barbara. Pardon, si je veux pas, je veux pas du tout t'importuner ou quoi que ce soit. On voudrait pas froisser des minorités ou quoi que ce soit. Bon, je recommence. Ma fille, mon épouse et moi aimons bien ce film, plein d'effets spéciaux à l'intérieur du corps humain. Entre humour, effets spéciaux, sentimental et action, rien ne manque à ce film pour tout le monde. 5 étoiles. Enfin, je sais pas si c'est 5 étoiles. On a Zurikan, 2,5 étoiles, moyen. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien le film, mais pas trop. Hein. Il est toujours dans le moyen, dans le pas mauvais, quoi. Il nous dit, un film pas mauvais, avec de bonnes scènes et un humour intéressant. Et Denis Quaid est pas mauvais. 2,5 étoiles, pas mauvais. Donc voilà, c'est moyen. C'est moyen. C'est Jean-Claude Moyen. On a Lilil qui lui dit... Alors, elle, 5 étoiles, elle adore. Excellent, fait une très rigolo. Se passe le temps de regarder. Comme il a jamais rien à regarder à la télé. Et on finit avec Sylvie qui titre son commentaire « Aventure intérieure ». Elle aime pas du tout, elle dit « Histoire nulle, je suis partie me coucher !» Mais mon homme a moyennement aimé. Bon, c'est plutôt pour les jeunes, quoi. C'est vraiment des commentaires assez terre à terre, j'ai trouvé sur ce film, intéressant. C'est le moment tant attendu de tirer deux films au chapeau. Longtemps que j'ai pas fait. Qui avait au tiré chapeau, la dernière chapeau, fois au sac poubelle. Ah, le sac poubelle. Le chapeau est devenu trop petit. À mon avis, Julie et Barbara avaient tiré la dernière fois. Ah, mais c'est les... Non, c'est les filles. C'était pas Greg qui avait tiré. Oui. Si, c'est Greg. Ouais. Ah, il voulait pas le dire. Ouais, je me rappelle avoir tiré avant, la fois d'avant. Et c'était moi qui avais tiré l'aventure intérieure, effectivement. Je pense que ce serait bien que ce soit tout le temps les filles. Moi, je pense que non. Michael, il a pas payé sa cotisation, c'est pour ça aussi. Passe plus le sac poubelle. Alors. Oh, il y en a de plus en plus. Hein. Je rappelle que vous pouvez mettre un film. Mitre. Un film dans ce sac poubelle en ajoutant un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom du film. Et laissez-nous un mot gentil parce que des mecs ils mettent juste le film, franchement, mauvaise ambiance quoi. Alors Antoine va être content, nous allons faire les chèvres du Pentagone de 00 97 56 43 37 54 79. Je vais pas hésiter à l'appeler. Ah putain. Qui veut piocher le deuxième? C'est quoi ça? Bon, en plus c'est pas un film, c'est pas un mauvais film, mais c'est une comédie quoi. Ah, ouais. Qui veut piocher le deuxième? Moi. Allez. Merci beaucoup. Suspense. Ah, Petit meurtre entre amis. Ah, bien. De qui? Proposé par Bobo de Lyon. Quel bobo sur... bon, voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des chèvres du Pentagone. Et d'ici là, portez-vous bien. Ouais, voilà, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ouais. Allez, bonsoir, ouais, vraiment, faites très attention à vous. Et n'hésitez pas à prendre les pilules que vous trouvez, si vous trouvez par terre ou dans le meuble de salle de bain de vos parents. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.